bien choix. En ville, les snobs et les flics me regardent de haut, manque de peau. Yeux de séquence, l'allure de prolétaire colle à ma peau, je les amère. Objectif multimillionnaire, grâce à une musique populaire. J'ai quitté les caves où les gosses s'éclatent dans les vapeurs des terres. Où écarlate, cerveau ravagé, plus d'école arrachée. Le courage vers carnage et profiter d'une vie qui n'offre pas grand chose. Au mieux des pauses sur le chantier, sans pitié, sans métier. Tous dans le même merdier, le râle a bien expliqué. FF est impliqué, trempe à mort pour trafiquer du son de qualité. Du travail fait en famille, en bonne et due forme. Soldats sans uniforme, réveille ceux qui dorment, faut qu'ils voient ça. Les meutes soudées, se serrent les coudes, percutent dans la mêlée. La solidarité, je crois qu'il y a plus que ça pour nous sauver.